fond qu'on incube. La peur qui te prend au corps quand un canon t'observe et que tu récites la Bible. Je suis la dose de trop zèle qui t'achève. Protège ton cou, j'ai un code 45 déguisé en micro HF. Je suis un nuage indomptable, j'ai les crocs et la barre. Dites à la France que si elle me tourne le dos, elle se fraquenne par un tronc d'arbre. Je suis le spectre de gloré, incendiaire de canne à sucre, fils de. C'est pourquoi je t'insulte, fais pas genre d'ignorer. Je suis ce descendant de martyr, fils renier ta patrie. Je suis dans le camp des insurgés, j'ai choisi mon parti. Je suis le fruit de mon époque, l'Occident m'a appris à être cupide. J'ai le sigle du dollar à la place des deux pupilles. Me compare pas à tous ces rappeurs stupides. Je suis pas là pour les groupies, mais je dis pas non si elles s'accroupissent. Je suis pas militant à mi-temps, chaque jour je lutte et vite la pénitence. La merde vous nous avez mis dans, c'est une évidence. J'ai mille et une raisons de vous haïr salement. Motivé comme un Moudjahid à reprendre les diamants du Zahir. Arrêtez de pomper l'eau du Sahel et de nous salir. C'est pour combler la tête coloniale qu'on traquette. Pour râler, je suis une arme bien astiquée. La kamikaze plastiquée, je suis un chien pas domestiqué, la gueule pleine de salive. Je suis nègre à t'en faire valir. Je suis un pavé dans la vitrine. Je mets les barres sur le compte d'épargne et les points sur ta face de victime. Je suis pas dans le game, je pars en guerre comme l'armée Yankee. Je suis ce rookie qui met des front kicks et y'a rien de funky. Tu sais ce qu'on kiffe, les bonnes caisses claires et les bons kicks. On lâche de bons skills et la foule est conquise. Je suis la chaleur de l'enfer, le froid de la banquise. Donc reste tranquille, j'ai le seum et ça se ressent dans les sons que j'enquille. Cesse de faire ski, fais pas bluff, c'est qui. Delta Oscar, Sierra Sierra Echo Husky. Yeah. Je suis le croisement de Malcolm X et d'Iceberg Slim. J'aime le fric, les bitches, mais j'oublie pas mon but et je bosse pour mon peuple. Je suis pas afrocentriste, non, je connais même pas mon blessi. Je les effraie, c'est parce que j'élève la conscience des frères. Je suis le souci majeur de la France de Sarkozy. Je suis la cause de la hausse du taux de crime et du taux de suicide. Je suis la franchise faite homme, pas genre Aster. Mais à 30 rimes, mon rap dans le crâne comme un chiffre dans un rectum. Ouais, je suis plutôt suicide. Je suis une cible facile pour un sale flic raciste, alcoolique et dépressif. Je suis une insulte à l'insigne, un gros majeur dressé. Droit devant le proc, une voiture bélier. Qu'enfonce les portes de ce mouvement hip-hop de fiotte. Et en ce qui concerne la France, je suis mis amoureux, mis haineux. Je lui écarterai les jambes de force si elle ne veut pas être mienne. Je suis un loup si t'es une chienne. Je veux des hyènes, je suis un dame, on m'appelle la FAMIN. Je suis pas dans le game, je pars en guerre comme l'armée Yankee. Je suis ce rookie qui met des front kicks et y'a rien de funky. Tu sais ce qu'on kiffe, les bonnes caisses claires et les bons kicks. On lâche de bons skills et la foule est conquise. Je suis la chaleur de l'enfer, le froid de la banquise. Donc reste tranquille, j'ai le seum et ça se ressent dans les sons de Yankee. Cesse de faire ski, fais pas bluff, c'est qui. Delta Oscar, Sierra Sierra Echo Husky. Yeah, je suis pas dans le game, je suis en guerre. Ok, toi c'est la famille. 2006 pour 2007, c'est One Beat. Deadline, Spike Miller à la prod, Street Fab 1. Tout c'est la famine. 45, poli, poli. Joseph K. Prototype. Tout c'est Desperucci 1. Sans centrale. Ok, appelle-nous personne.